Le Victoria monta presque perpendiculairement à une hauteur de 1500 pieds. Quel magnifique spectacle se déroulait aux yeux des voyageurs. L'île de Zanzibar s'offrait tout entière à la vue et s'est détachée en couleurs plus foncées, comme sur un vaste planisphère. Les champs prenaient une apparence d'échantillons de diverses couleurs. De gros bouquets d'arbres indiquaient les bois et les taillis. Les habitants de l'île apparaissaient comme des insectes. Les rayons du soleil venant à l'aide au chalumeau, la tension du gaz augmenta. Le Victoria atteignit une hauteur de 2500 pieds. Pendant la traversée de la mer, le docteur jugea convenable de se maintenir à cette élévation. Au bout de 2 heures, le Victoria, poussé avec une vitesse d'un peu plus de 8000, gagna sensiblement la côte. Le docteur modéra la flamme du chalumeau et bientôt le ballon descendit à 300 pieds du sol. Le Victoria passa près d'un village. Toute la population rassemblée poussait des hurlements de colère et de crainte. Les flèches furent vainement dirigées contre ce monstre des airs qui se balançait majestueusement au-dessus de toutes ces fureurs impuissantes. Kennedy était enfin devenu aussi loquace que Joe. Ils se renvoyaient mutuellement leurs phrases admiratives. « Quel spectacle !» dit Kennedy. Le pays se distinguait par une extrême fertilité. Des sentiers sinueux et étroits s'enfonçaient sous des voûtes de verdure. On passait au-dessus des champs cultivés de tabac, de maïs, d'orge en pleine maturité. Ça et là, de vastes rizières avaient leurs tiges droites et leurs fleurs de couleur purpurine. On apercevait des moutons et des chèvres renfermés dans un camp de cage élevé sur pilotis, ce qui les préservait de la dent du léopard. Une végétation luxuriante s'échevelait sur ce sol prodigue. Dans de nombreux villages se reproduisaient des scènes de cris de stupéfaction à la vue du Victoria. Et le docteur Ferguson se tenait prudemment hors de la portée des flèches. Les habitants, attroupés autour de la rue contiguë, poursuivaient longtemps les voyageurs de leurs vaines imprécations.